Ben des repos cani, deux frangins, pas de frigo, pas de PGP, un obigo, une cavale c'est pour la vie. Et je t'avoue que moi j'ai vu Ben des se bat tout seul, souvent son sort était scellé. Zarolette dans sa cellule, ça a mec de son PQ, Franca pour toi, et la péquette, il met le paquet comme un paquet. Mais le loup, non, elle a pas touché, putain, sa vie est trop touchante. Ça se trouve ton bistrot est attaché, mais putain, qu'est-ce qu'il attache, il attache que des gens pêchés. Il laisse la bœuf pour s'y enclé, ta mère frère, vrai que je la mette en clope. C'est réel, tu prends des claques, pas le fou devant ta clique. Ben des rouges, j'arrête tout le bloc, Franca n'y rêvait d'un brick. Dans leur tête, c'est pour que le bon, à tout pour prendre des breaks. Nerveux comme Gattuso, la vie m'avait pas gâté. Maintenant tout prix, je veux tout le gâteau. Pancani va tous les semaines depuis le début, ils vendent du seul. Moi qui avais même plus de carte SIM, j'ai toujours pas ma carte vitale et le portefeuille sans vite. On vend de balles, j'ai fait craquer. Moi qui nageais dans le même croco, j'arrive dans la pêche qui va attendre. Ben des crocs va t'écraser, son seul frérot c'est Pancani. M'appelle pas mon frérot, moi à ma gueule n'a pas d'amis. Et en amont, y'avait Luna, la seule idiot pour supporter un pas de hasard, elle est bizarre. Tout ça, je fume mon bison, la famille grosse et la base. Quand ça bosse, le rap on bise. Ben des crocs allume la veine. Y'a Pancani pour les briser, c'est de bandits, les vis pas gros. Baisse d'un ton sans classique comme rappel dans la cité. Sur un terre à bouscapé, c'est pour Amadou qui est venu me chercher. Ce souvenir il est gravé comme un sur le mur de la gardable. J'oublie pas le seul associé, 420 mon ascension. Ben des gros Pancani, rien que sa péquette, ça veut le pactole, ça veut des briques et va savoir. Dernier chapitre c'est toi la blingue. Pancani rêve fait d'un brinx, la banane grosse c'était con. Ben des gros allume la braise, Luna elle brise à après. Ben des gros Pancani, rien que sa péquette, ça veut le pactole, ça veut des briques et va savoir. Dernier chapitre c'est toi la blingue. Pancani rêve fait d'un brinx, la banane grosse c'était con. Ben des gros allume la braise, Luna elle brise à après. Ne fous pas des foutaises, dans le sac drap j'étais foutu. Moi de bas jouer au foot, sur le terrain j'étais futé. Dans le rap beaucoup de flûtistes, la squad tire gros c'est futu. Dans la tête gros c'est fatal, Pancani dealer t'es fou. Que jamais tu blesses ton fut et que t'es francs qui t'as smité. Dans le four c'était toi le voir, comment fou tu bougeais pas. 13 bougies j'fais des billets, les bleus m'ont balayé. Le greffe connaît ma biographie, ben des roues un paragraphe. 3 chapitres pour un débrief, mon seul t'as mis des baffes. C'est du sale pour faire du bif, j'suis tout seul c'est pour être bref. J'ai qu'un frangin c'est pour être sûr et que sur lui que j'peux compter. Ouais t'as capté tout est crypté parce que la squad c'est une trappe. J'suis venu, j'ai vu, j'ai tout baisé, j'suis désolé mais j'abuse pas. Pancani te frappe à la bise, tout commence à sur du risque. La drogue la vie risquée, le passage le pisse dessus. Moi qui dormais sur mon pèse-gramme, maintenant mort arrête de sa palpe. Mais avant ça j'ai fumé le rap, j'compte bien laisser ma plaie. J'ai tellement charbonne sur la pluie, maintenant ça fume, tu sur plus ton maman t'inquiète, y'a du plata. Ben des gros va cacher plomb, elle nous grille, voyant pas pire. Mais ta cité me fait pas peur, c'est de faire contre la paire. Jusqu'à la mort c'est pour l'amour, pour sa vie là encore de la mer. La scole rappelle-toi les galères, les keufs rapiques et ça galope. Dans la rue j'ai mes galons, puis tout petit j'ai mon 38, mon seul frangin c'est Ben des gros. Ben des gros, Pancani rien que sa péquette, ça veut le pactole, ça veut des briques et va savoir. Dernier chapitre c'est trop la blague. Pancani rêve fait d'un brinx, la banane grosse c'était bon. Ben des gros allume la braise, Luna elle brise à un cœur. Ben des gros, Pancani rien que sa péquette, ça veut le pactole, ça veut des briques et va savoir. Dernier chapitre c'est trop la blague. Pancani rêve fait d'un brinx, la banane grosse c'était bon. Ben des gros allume la braise, Luna elle brise à un cœur. La banane grosse c'était bon, Luna elle brise à un cœur. La pépé. Franchement pas de fricot, pas de PGP, hein, les bigots. Ah ouais, mais c'est faux. Une cavale c'est pour la vie. Pour sa vie là, au bord de la mer. Non!